s'appelle cette chanson? Tyrion. Ok, tu me dis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. When shall we tell? When shall we? When shall?